Oh, le bon Dieu me laissera bien encore quelque temps sur la terre. Comme on dit chez nous, Inch'Allah. Inch'Allah, ah. oui, nous on dit ben, le bon Dieu. C'est tout le monde le même c'est Dieu. C'est pareil, oui. Bien sûr. On n'est pas si différents les uns des autres. On te résume notre vie à notre manière, sans doute la tienne. Seven, Darius, Ramsat, X1, Corruptible, XX Records, OGB, mafia africaine. La vie est un long fleuve peu tranquille. La vie est une histoire si fragile. Ça tient à rien, à une balle ou à un fil. Alors il faut que tu comprennes que la vie ça c'est pas un film. La vie est un long fleuve peu tranquille. La vie est une histoire si fragile. Ça tient à rien, à une balle ou à un fil. Alors il faut que tu comprennes que la vie ça c'est pas un film. Du monde des âmes à l'embryon, os, chair, ganglion. Premier chapitre, les bras vite, survivre en priant. Comme dans le triangle des Bermudes, tout disparaît, le corps et l'âme se permutent. La vie une interlude. Deux êtres ça coupe, c'est mon dieu, un enfant pieux, c'est vraiment mieux vite. Coupe amour, préserve-nous du rôle de celle qui sert les fils de vie pour des beaux en sorcelle. Père et mère donne vie, volonté de l'unique. Comment rester sourd face à l'appel? Me vendre là-bas, blanche tunique. Alhamdulillah, sunnite, depuis Caïn et Abel jusqu'à Paris, Babel. Abdallah, circonscrit, rite de pureté. Du sang par terre annonce la dureté de la vie en toute sûreté. Fils, je t'en prie. Le sourire de maman n'est pas furtif. On nous rase la tête, le poids en or et on a plus de titre. Incompris par l'Occident, bâton de harak. Siwak maintenant, c'est brosse à dents, grande baraque. Conflit, chrétien, muslim, séfarade, excentré. La vie n'a pas de prix. La vie est un long fleuve peu tranquille. La vie est une histoire si fragile. Ça tient à rien, à une balle ou à un fil. Alors il faut que tu comprennes que la vie ça c'est pas un film. La vie est un long fleuve peu tranquille. La vie est une histoire si fragile. Ça tient à rien, à une balle ou à un fil. Alors il faut que tu comprennes que la vie ça c'est pas un film. Y'a des hauts et des bas, mais toi tu t'en bats. Tu préfères mettre le pas et rentrer dans ce bar tabac. Et là, comme par hasard, ça part en cache-bras. Voilà, tu voulais le bif, mais ça part en raspas. La vie c'est un test, des épreuves avant la fin. Où le matériel est prétexte, alors que tes mômes crèvent de faim. Dès la naissance, on goûte au mal sans le vouloir. Ta caisse a besoin d'essence, et toi t'as besoin de savoir. Une fois conscient de tout ça, on veut quand même rien savoir. Sexe, violence, drogue, monnaie et bling bling font ta vie un combat, tout quartier est un ring. On rêve de plein de choses, mais pour ça il faut pouvoir. Les pauvres sont les plus pieux, et les riches veulent le pouvoir. Garde du respect envers tes vieux, garde la pêche et l'espoir. Chaque jour que Dieu fait, qui passe, remercie le ciel. Malgré les pièges, les impasses, et tous nos frères au ciel. La mort nous guette tout, chacun son tour on y passe. T'as pas que les flics aux trous, t'as tes défauts et ta race. Alors sois fort, sois fier, ma sœur, mon frère. L'effort, faut le faire, enfin, tout ça, nous évite l'enfer. La vie est un long fleuve peu tranquille. La vie est une histoire si fragile. Ça tient à rien, à une balle ou à un fil. Alors il faut que tu comprennes que la vie ça c'est pas un film. La vie est un long fleuve peu tranquille. La vie est une histoire si fragile. Ça tient à rien, à une balle ou à un fil. Incorruptible OGB, écoute, ok mané. Craignent la mort les égoïstes, comme s'ils avaient su profiter de la vie. Éprouvent une sorte de rage quand la mort vient, s'éloigne de leur vie. Imagine que naissent et vivent les rêves et les cauchemars des hommes. L'humanité ne meurt pas, quoi que meure, femme, enfant, homme. Créature considérée sur notre façon de penser, d'agir. Veux-tu être le capitaine ou le passager qu'entraîne navire? Remercie Dieu chaque jour, même de l'île, t'es en train de vivre. Le plus dur des fardeaux, c'est d'être sûr d'exister sans vivre. Jamais invité quiconque dans mon délire à venir me suivre. Et quand les gens m'invitent, alcool, je bois pas de musique, je suis ivre. Réalité de face. Sans qu'on fasse, on me fasse de l'ombre. Dans les halls, ça s'entache, ressasse mec et sort de l'ombre. Dur d'expliquer la douleur d'une mère dont le fils est tué. Les uns pour les autres, changeons notre manière de se comporter. Évite de vivre dans la voie rapide, mec, jusqu'à ta mort. La vie. Ce n'est pas un film dont ton quartier serait le décor. Audible. La vie est un long fleuve peu tranquille. La vie est une histoire si fragile. Ça tient à rien, à une balle ou à un fil. Alors il faut que tu comprennes que la vie ça c'est pas un film. La vie est un long fleuve peu tranquille. La vie est une histoire si fragile. Ça tient à rien, à une balle ou à un fil. Alors il faut que tu comprennes.